En Corée, bon nombre d'explosifs ont été découverts dans plusieurs endroits de la province du Hamgyong du Sud, ce qui révèle les atrocités perpétrées par les Américains lors de la dernière guerre de Corée. Depuis le début de l'année jusqu'à présent, un millier d'explosifs de différentes sortes y ont été déminés. Par exemple, en avril dernier, une bombe de plusieurs centaines de kilogrammes a été découverte respectivement près de la voie ferrée de Sindanchon et au large de la commune de Namchang de l'arrondissement de Cheongpyeong et des explosifs de plusieurs dizaines de kilogrammes dans l'arrondissement de Haean de la ville de Hamu, dans la zone résidentielle de la commune de Singyong de l'arrondissement de Hamju et dans les champs de la ferme de la commune de Fangsong de l'arrondissement de Gowon.